Bonjour à tous. Aujourd'hui, filet de volaille Boitel pour 4 personnes. 4 blancs de volaille fermier, 300 g de champignons de Paris, un jus de citron plus un autre jus, 80 g de beurre, une cuillère à soupe de persil haché, une cuillère à soupe de tomates émondées et pépinées concassées, qui est facultatif, sel et poivre, et 30 g de beurre plus 80. Rangez les blancs de volaille assaisonnés dans un sautoir beurré. Ajoutez les champignons émincés avec le jus de citron et couvrir. Laissez cuire à feu très très doux, 20 minutes environ. Dressez sur les assiettes chaudes avec tous les champignons autour. Montez ce jus avec le beurre froid, le persil, le jus de citron et nappez la volaille. Vin conseillé, un gamay blanc de Savoie à boire avec modération.